ton cœur, la chasse te sourira. Donne-moi ton cœur, je trouverai du temps pour toi. Donne-moi ton cœur, je suis tout près de toi. Donne-moi ton cœur, ta main c'est du sport. On fera tout, on fera l'amour sans bruit. Donne-moi ton cœur, la chance te sourira. Donne-moi ton cœur, je trouverai du temps pour toi. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. On parlera, on se dira tout, sans bruit. Donne-moi ton cœur, la chance te sourira. Donne-moi ton cœur, je trouverai du temps pour toi. Donne-moi ton cœur, dis, donne-moi ton cœur. On fera tout, on fera l'amour, sans oui. Donne-moi ton cœur, dis. Donne-moi ton cœur, dis. En Salaska, on fera tout, on se fera l'amour, sans oui. Entre nous, on se dira tout, entre nous deux. On se dira tout, entre nous, on se dira tout, entre nous deux, on se dira tout, entre nous, on se dira tout, entre nous deux, on se dira tout, entre nous, on se dira tout, entre nous deux, on se dira tout. Donne-moi ton cœur, la chance te sourira. Donne-moi ton cœur, je trouverai du temps pour toi. Donne-moi ton cœur, je suis tout près de toi. Donne-moi ton cœur, je trouverai du temps pour toi. On parlera, on se dira tout, sans oui, sans oui. Donne-moi ton cœur, dis. Donne-moi ton cœur, dis. Toi et moi, on parlera, on se dira tout, sans oui, sans oui. Entre nous, on se dira tout. Entre nous deux, on se dira tout. On se dira tout, entre nous deux, on se dira tout, entre nous deux, on se dira tout.